François, oh bah, François, c'est à vous. Je profite de la présence d'un ancien flic pour évoquer le gang des Lyonnais. Il se trouve que je l'ai un peu connu, un peu fréquenté. Avant d'atteindre la respectabilité absolue que désormais me confère le statut de plus prestigieux chroniqueur du service public, j'ai vécu. J'ai fricoté dans tous les milieux, j'ai promené ma carcasse déglinguée dans les lieux les plus interlopes, j'ai roulé ma bosse dans les décors les plus accidentés. Oui, moi qui suis devenu cette sorte de vestale indéboulonnable, inatteignable et adorée des bibliothécaires et des professeurs de lettres en retraite abonnés à la scène nationale de leur département. Oui, moi qui me suis muté en cette espèce de phare, clignotant mais éclairant la nuit aux confins des ténèbres. Moi, modeste et cependant incontournable, dont l'ancienneté à France Inter inquiète ses plus hautes dirigeants qui, dans leur nuit d'insomnie, calculent le montant de la prime de licenciement qu'il faudrait me verser si par hasard on voulait se séparer de moi. Prime qui équivaudrait, pour se faire une idée, au produit intérieur brut d'un pays comme le Gabon ou au budget slip et chaussettes de monsieur Carlos Ghosn. Moi, disais-je, j'ai connu des heures plus sombres, j'ai fréquenté des biotopes plus marécageux. Je voulais ce matin évoquer une affaire qui, pendant pas mal d'années, a défrayé la chronique. Au départ, rien de trop original à signaler. La routine, le tout venant, une histoire banale qui commence toujours de la même façon. Des petits marlous qui rêvent de la grande vie, des gones qui se réunissent dans les traboules et qui, un beau jour, forcément, subissent la mauvaise influence des aînés. En l'occurrence, des gars de Liverpool, des caïds chevelus qui passent leur temps à séduire les filles en faisant de la musique. John, Paul, Ringo et George. Des trafics d'influence, faut voir comme. Les gamins de Lyon ne s'en remettront jamais. Au départ, toujours la même chose, l'envie de vivre sa vie, le désir insensé de s'élever un peu au-dessus de la pesante réalité de l'accablant quotidien. Dans ce milieu-là, tout le monde a un surnom. On l'obtient à l'adolescence et on peut le garder toute sa vie. On peut côtoyer un gars pendant plus de 10 ans sans jamais l'appeler autrement que par son surnom. Nom, Carl Niagara, Bronco Junior, Clint Boris. Dans ce milieu-là, ça commence souvent par la cigarette qu'on fume à plusieurs et puis ça finit par le trafic d'héroïnes. Des héroïnes qui s'appelaient Norma Jean Baker, Denise Darcel, Elizabeth Montgomery, Colin Gray, Madeleine Smith, Grace Kelly et Romy Schneider. L'affaire a trouvé cette semaine sa conclusion, elle ne sera jamais complètement élucidée. Hubert Mounier est mort et l'affaire Louise Trio est définitivement enterrée. Merci les gars, bravo les artistes, salut Hubert, merci pour l'élégance infinie, merci pour la classe éternelle. C'est ici qu'on se quitte. C'est ici qu'on se quitte. Je lève mon verre à la suite. C'est fini, on est quitte. Le temps a passé si vite. C'est ici qu'on se quitte. Je lève mon verre à la vie. C'est fini, on est quitte. Voilà la voix d'Hubert Mounier, le chanteur de l'affaire Louise Trio, qui s'est éteint cette semaine. Merci beaucoup François Morel.